One of the most famous French songs of all is the one which is a drinking song. And anybody out there, you want to help us, you need to say oui, oui, oui, and non, non, non. And you're coming along with us. All right? Okay. Now keep it going as long as you want. Okay. Chevalier de la table ronde, goûtons voir. Maybe that's too high, huh? It's too high. Oh, it is too high. It is too high. Try this one. Forget about that. Chevalier de la table ronde, goûtons voir si le pain est bon. Chevalier de la table ronde, goûtons voir si le pain est bon. Goûtons voir, oui, oui, oui, oui. Goûtons voir, non, non, non, non. Goûtons voir si le vin est bon. Goûtons voir, oui, oui, oui, oui. Goûtons voir, non, non, non, non. Goûtons voir si le vin est bon. Keep on going. S'il est bon, s'il est agréable, j'en boirai jusqu'à mon plaisir. S'il est bon, s'il est agréable, j'en boirai jusqu'à mon plaisir. J'en boirai, oui, oui, oui, oui. J'en boirai, non, non, non, non. J'en boirai jusqu'à mon plaisir. J'en boirai, oui, oui, oui. J'en boirai, non, non, non, non. J'en boirai jusqu'à mon plaisir. J'en boirai 5 à 6 bouteilles, une femme sur mes genoux. J'en boirai 5 à 6 bouteilles, une femme sur mes genoux. Une femme, oui, oui, oui. Une femme, non, non, non. Une femme sur mes genoux. Une femme, oui, oui, oui. Une femme, non, non, non. Une femme sur mes genoux. Si je meurs, je veux qu'on m'enterre dans une cave, il y a du bon vin. Si je meurs, je veux qu'on m'enterre dans une cave, il y a du bon vin. Dans une cave, oui, oui, oui. Dans une cave, non, non, non. Dans une cave où il y a du bon vin. Dans une cave, oui, oui, oui. Dans une cave, non, non, non. Dans une cave où il y a du bon vin. Les deux pieds contre la muraille et la tête sous le robinet. Les deux pieds contre la muraille et la tête sous le robinet. Et la tête, oui, oui, oui, oui. Et la tête, non, non, non. Et la tête sous le robinet. Et la tête, oui, oui, oui. Et la tête, non, non, non. Et la tête sous le robinet. And this song can go on as long as you've got a good bottle of wine and a group of good people who want to sing together. Try one more verse. Sur ma tombe, je veux qu'on inscrive ici Gilles, le roi des buveurs. Sur ma tombe, je veux qu'on inscrive.